voyage ne s'achève pas ici. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. GIP2Z, plume en or. Alors vous les verrez. Chaque jour suffit sa haine. Te l'expliquer en moins de 6 minutes suffit à peine. T'entends le bruit des cris, des SOS 587. Le monde pousse des cris, c'est des appels de détresse ou de tristesse. Entre peine et rage, pas la peine, je nage. Premier chapitre, je crache, j'arrache toutes les pages. Le son me fait péter un plomb. Avec attention, comme 9 morts, t'as 100 sans plomb. Gratte, continue d'écrire tes faces. Petit à petit, nos rêves s'effacent. Médiatise pas si ça vire au réel. Si la vie fait la pute, j'offrirai un billet dès le réveil. Qui a dit fait d'amour mais pas la guerre. Ta femme va en boîte, fais la glamour pendant que t'es en guerre. Histoire retranscrite sur le papyrus. Mère, demande-toi ce qui est vraiment une victoire à la Pyrrhus. La tâche, la vie comme le papier. Noyé dans cette merde, je sais que je n'ai pas pied. Une victoire qui te coûte cher n'en vaut vraiment pas la peine. Ça va de moins en moins cher, mais pourquoi fois deux sont les peines. Écrivain dans l'âme, je suis venu sonner l'alarme. Sur ma joue, j'ai vu déposer l'alarme. À contresens sur la route du bonheur. Peu importe, en 9 mètres carrés, je mangerai tout avec honneur. La mort nous fait des appels de phare. Dans le brouillard, le hasard c'est que c'est toujours trop tard. Ça passe notre vie à ce check. Appelle vite Shrek. Regarde la vérité en face. Moi je te dis que ça sent la schneck. Ma vie c'est des techs de roulette russe. Je dis pas que je déteste, mais c'est juste une boulette de plus. Y'a qu'avec les dames quand on m'échec. Man, si tu me crois hop, regarde vite ton carnet check. Il m'a soutenu quand tout le monde m'a démoli. Et j'ai pas pu faire pareil pour lui. Je voulais même pas venir ma disserte. Mais même ce garde-fille m'a demandé si une grande fille comme moi n'avait pas peur d'une victoire à la Pyrrhus. Alors j'ai fait, c'est quoi, une victoire à la Pyrrhus? Il m'a renvoyé au dictionnaire, alors j'ai cherché. Pyrrhus était un roi aux environs de l'an 300 avant Jésus-Christ. Pyrrhus a vaincu les légions romaines deux fois. Mais ces deux victoires lui coûtèrent la plupart de ses soldats. Alors dès nos jours... Quand il vous arrive de parler de ça, si quelqu'un vous parle d'une victoire à la Pyrrhus, il parle d'une victoire qui lui coûte tout ce qu'il a. 2013, GIP2Z, un ange déchu, bloqué dans les ténèbres.